Le micro est une arme. Germinal 2003, rap conscient. Ouais. Le micro est une arme. Mon point de mire ombragé par le bâtiment qui me fait face. Face contre terre, je rêve d'espace, d'horizon moins fadasse. Nos HLM sont toujours blêmes, on se démène dans le même thème. Je me donne la peine d'éviter la haine à coups de rengaine et de poème. Surtout par question pour moi poser à l'américaine. Langage menaçant, les jeux blêmes, bad boy dégaine. Je dégaine jamais de gun, si ce n'est au stand de foire. Je suis un mec simple, tu sais, un rappeur sans histoire. Des phrases sans emphase, en phase avec le réel. Vrai ou faux, c'est pas le propos, la vie nous laisse des séquelles. Parlons d'autre chose, le centre du monde, c'est pas notre HLM. On solo smoke, qui sait, moi je parle à ceux que j'aime. Aime comme millions, milliards, que ces mots soient maudits. Arrête d'en parler dans tes raps, c'est les esprits que tu pervertis. Celui du petit qui t'écoute, cavale ses conneries malgré lui. Arrête de jouer les mafieux, pense-y avant, après agis. Parler flingue, parler bis, parler t'es, ça attise. Le feu ça divise, les faux gangsters balisent. Dans strip canaille, pour la maille, y'a rien qui vaille. À toi de trouver la faille, j'aime pas fumer de la paille. Arrête de jouer le calife, y'a pas de maître en ces lieux. J'ai une bonne paire d'yeux, et j'ai des potes de 7 lieux. Survole la banlieue, et je fais de mon mieux dans ce triste état des lieux. Les cités sous perf, perfide ambiance de série noire. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de tir qui me fait flipper, et ça tu sais. J'ai juste à mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. On fait du rap conscient. Et heureusement qu'on en fait, on jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de serre qui me fait flipper, et ça tu le sais. J'ai juste à me mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. Ça me tracasse, les gens sans cesse fracassent. Jamais les premiers de la classe au casse-pipe ne passent à l'as. Quand les masses tabassent, pour être la race en place. Quand la bassesse extrême trace droit, mon sang se clash, je me dois te faire face. Je vis pas dans un palace, saga je suis, et je m'engage quand j'écris. Je suis présent à l'appel, contraint d'élaborer des rimes mortelles. La créativité surgit au bon milieu du bordel, comme un vol d'hirondelle. Mes vers flânent, mes vers planent, et du terrain ils gagnent. Pour propager la vérité, rien tel que le mot saccadé. Flot décalé, mélopée, salier, art majeur des cités. Les hymnes des quartiers naissent dans les cages d'escalier. Est-ce que tu le sais? Ouais. Est-ce que tu le sais? Cependant, n'oublie jamais. On est tous malmenés par cette putain de réalité. D'une économie fondée sur la misère de millions de paumés. Oh, gajo. Je suis prêt à tous les sacrifices, mais je peux pas transformer ta vie en feu d'artifice. Fils, y'a trop de vices, la paix sociale est factice. Trop de fils, elle, trop de fils d'eux. C'est clair, c'est des ailes qu'il nous faudrait afin de panser nos plaies, avant de plaider comme des victimes. S'enfoncer dans l'abîme, mais je vois vraiment pas comment et quand sortir de tout ça. Si les fachos sont des souris, je veux bien jouer le rôle du chat. Mais chasse l'idée que je dois t'imposer ce que tu dois penser. J'ai pas encore la prétention d'y tenir la vérité. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de serre qui me fait flipper. Ça tu le sais, j'ai juste à mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de serre qui me fait flipper. Et ça tu le sais, j'ai juste à mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. J'ai plus de face dans ma sacoche que j'ai tulle dans la poche. Tu sais, je me fais un honneur de rapper pour mes proches. Stop la vanité, la fierté du quartier c'est moche. Pourquoi rouiller en vain dans sa cité comme une vraie cloche? Dans toutes les sud de France et Navarre la foisonne. Une rumeur monte des cages et des caves, le rap résonne. Rends-toi compte, la syncope hip-hop envahit le globe pour faire la nique aux rétrogradés, aux xénophobes. J'pense au balbutiement du rap, cette fleur du ciment. Les mecs avec beaux rêves et tchatchés consciemment. Par hommage pour eux mec, et pour que perdure l'écriture, je noircis mon papier. Façon à moi de rester sur pied, j'écris à domicile. L'œil fixe sur la page à remplir, y'a pas de meilleur délire. Rien d'autre à faire qu'à laisser venir, la nuit est ma complice. Et sur la feuille, mon stylo glisse, je m'éloigne des choses factices. Et je m'abandonne à mon vice, hier y'est hachachin. Jusqu'au boutiste du rap, mais le team pop pour la cause juste, il faut que ça tape, mélange de toutes les sauces. Sur des rythmiques assassines, sonore mondial, hip hop, la meilleure des cuisines. Dans les bas fonds des mines, les sous-sols des usines. Les exploités, les mesquines ne veulent plus courber les chines. La pente n'aime pas sur aide, une lueur pointe à l'horizon, à la pointe de l'épée, un air comme révolution. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de tir qui me fait flipper, et ça tu sais. J'ai juste à me mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de tir qui me fait flipper, et ça tu sais. J'ai juste à me mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter. On fait du rap conscient, et heureusement qu'on en fait. On jette un pavé dans la mare, relation de cause à effet. Y'a pas que l'effet de tir qui me fait flipper, et ça tu sais. J'ai juste à me mettre à ma fenêtre, et j'en la rage monter.